je m'en offre sur le terrain. Le reste, je m'en bats les reins. Et je m'occupe plus de moi, je préfère veiller sur les miens. Mon Dieu et son frère vendent la coca sur le terrain. Et moi, je suis pas à sous, y'a que du coca dans mes reins. RK, j'ai pris du galon, c'est bien moi qu'a les manettes. Au volant d'assise, pas trop, c'est moi qu'a les palettes. RK, j'ai pris du galon, c'est bien moi qu'a les manettes. Là, je suis posé au stud, ça va suffit qu'à l'être. Et c'est bâtard, j'en fais du karaté. Je veux me l'amener, je suis trop éclaté. Numéro 1 sort les anges, c'est tous écartés. Je glisse ma top, tes jambes écartées. Elle monte, c'est ça, elle veut juste m'épater. Le manager écoute sur moi, je me dois t'oublier. Elle monte, c'est ça, elle veut juste m'épater. Le manager écoute sur moi, je me dois t'oublier. Elle fait la folle à Pigalle, avenue des Champs-Élysées. Centre de vie n'a pas changé, posé au square, là jusqu'à 26 balais. On a la vie tranquille, maman toute sa vie, elle a passé le balai. On veut juste inhaler, sans fumer dans de petites allées. J'arrive pour baiser vos rondas. Tu veux compter si tu vas te manger des grandes claques. Fume sur la plaquette, c'est comme d'hab. RKTPH sur la maquette, c'est grand d'hab. Gros du 7-4 à la Castellane. J'ai sauté les étapes, faut que je me casse de là. Gros, je passe ma vie en cabine sans hôtesse de l'air. Ils font tous demi-tour quand je suis posté là. Quand je suis posté là, j'ai rassemblé l'état. Ah, je suis porté coup grâce au Beretta. Je vais soulever l'état. Ah, fils de pute, j'ai fréquenté les cas. Traîne dans la zone, j'ai pas changé, ni ta grand-mère. Ni ta grand-mère! Check mon assos, béda sans cesse, dès que ça t'emmerde. Moi je fais mes bails. Moi je fais mes bails. Moi je fais mes bails. Moi je fais mes bails. Moi je fais mes bails. Moi je fais mes bails. Moi je fais mes bails. Moi je fais mes bails. On fait nos bails. On fait nos bails. On fait nos bails. On fait nos bails. On fait nos bails. On fait nos bails. On fait nos bails. J'arrive au 9-9. Mille et mille, belle coque au QFQ. Dans le bail. Wesh, les gros, vos doigts vous pouvez caler. Car je suis déjà cassé, vas-y, bouge, c'est pas décalé. Qui veut quoi, qui veut m'égaler? C'est mal pareil, le cœur est portugais, mais y'a des coups de sénégalais. Vas-y, bouge ton boule, wesh, des boules. Mais qui t'a dit qu'on était mort? Non! Je mets les bouchées doubles, quand t'as bloqué sous Jack, j'entends bruit des touches, car je tire une grosse bouffée de bouche et tout. Faut te pousser tout, joue la rose. Fume la bosse, roule la gauche, sur la côte, c'est chaud. C'est chaud! Me noter devant le daron, j'ai pas fait grand chose. Non, j'ai pas fait grand chose. RKTPHAFS, on vous met la dose. RKTPHAFS, on vous met la dose. On vous met la dose. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Sommet de la galère, alors qu'on est les vrais, et ceux qui sont là pour profiter. Ouais, ouais. Enfoiré, tu voulais me ken. Maintenant tu t'en jailles sans mes sans pédé. Ça fait plaisir, toi les gens sont bien si sans mes sons, ça fait plaisir les gars. Si je m'en sors dans le pura, jamais ça changera, jamais j'oublierai mes gars. Nico Mouk, Paris Genève. FS Price.